إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at, hayakumullah la ta'ati. Nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au lavage de la bouche et du nez. Et dans ce chapitre, l'auteur a mentionné trois hadiths. Le premier de ces hadiths est le hadith de Talha ibn Musarrif. Donc Talha ibn Musarrif rapporte d'après son père, puis de son grand-père: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam séparer le rinçage de la bouche du lavage du nez. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib. Il rapporte concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il se lava la bouche et le nez trois fois en utilisant une seule poignée. Pour finir, il y a le hadith de Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, qui rapporte concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il puisa l'eau avec la main et se lava la bouche et le nez avec la même poignée d'eau à trois reprises. Dans le premier hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait le rinçage de la bouche du lavage du nez. C'est-à-dire qu'il se lavait trois fois la bouche et par la suite trois fois le nez. Mais ce hadith, ikhwani fillah, est faible, comme nous l'avons mentionné lors du cours dernier. Tandis que dans le deuxième hadith, celui de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lava sa bouche et son nez trois fois en utilisant une seule poignée d'eau. Et ceci indique qu'il se lavait la bouche et le nez avec très peu d'eau. Car lorsque tu prends une poignée d'eau, il y a forcément une partie qui va couler entre les doigts. Et lors du troisième lavage, il ne va pas rester beaucoup d'eau. Alors que dans le troisième hadith, celui de Abdullah Ibn Zayd radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé la bouche et le nez avec la même poignée d'eau en puisant l'eau à trois reprises. Et certains savants ont tiré de ces hadiths qu'il y a trois manières de laver sa bouche et son nez lors des ablutions. une qui est faible, une qui est convenable et une autre qui est meilleure et plus proche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui est faible est de séparer le lavage de la bouche et du nez, c'est-à-dire de prendre de l'eau pour la bouche et d'en reprendre pour le nez. Car les hadiths concernant cette manière sont certes faibles. Ensuite, nous avons la manière qui est convenable, qui consiste à accomplir les trois lavages de la bouche et du nez d'une seule poignée d'eau. Puis nous avons la meilleure manière de faire le lavage de la bouche et du nez, et c'est celle qui est la plus proche de la sunna. Et elle consiste à se laver trois fois la bouche et le nez avec la même poignée d'eau en puisant l'eau à trois reprises. Il faut donc prendre de l'eau avec sa main droite, conformément au hadith de Aïcha, Ummu Abdillah, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit pour se chausser, pour se peigner, pour se purifier et en toute chose. Et après avoir puisé l'eau, avec la main droite, on met une partie dans la bouche et le reste d'eau dans le nez. Puis on s'aide de la main gauche pour faire sortir l'eau du nez. Et cette manière est la meilleure et la plus proche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur mentionne le hadith de Anas ibn Malik. Donc Anas ibn Malik rapporte, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme sur le pied duquel une surface de la taille d'un ongle n'avait pas été touchée par l'eau. Il lui dit alors, retourne accomplir soigneusement tes ablutions. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme sur le pied duquel une infime partie n'avait pas été touchée par l'eau. Il lui dit alors de retourner accomplir soigneusement les ablutions, car il est obligatoire de faire passer l'eau sur l'ensemble des membres des ablutions, sans rien laisser. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 de sourate Al-Ma'ida, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et lavez-vous les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc, ikhwani fillah, celui qui n'a pas fait passer l'eau sur l'ensemble des membres des ablutions, il ne s'est pas conformé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc dans l'obligation d'accomplir soigneusement ses ablutions. Et nous avons dans ce hadith beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement est qu'il est obligatoire de laver l'ensemble des membres des ablutions lors de la purification. Et la question qu'on peut se poser ici est que doit-on faire lorsqu'on se rend compte que l'eau n'a pas recouvert une partie d'un membre des ablutions? La réponse à cela, ikhwani fillah, est qu'il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure est de s'en rendre compte pendant les ablutions. Dans ce cas, il suffit simplement de relaver le membre concerné et continuer les ablutions à partir de ce membre. Imaginons que Khalid se rend compte qu'il n'a pas lavé une partie de son bras gauche lorsqu'il est arrivé au lavage de son pied droit. Ici, il lui suffit de relaver sa main gauche jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur sa tête et laver ses pieds. Le deuxième cas de figure est de s'en rendre compte peu de temps après les ablutions. Ici, c'est exactement pareil que dans le premier cas. Il faut relaver le membre concerné et continuer les ablutions. Et le troisième cas est lorsqu'on s'en rappelle longtemps après les ablutions. Ici, il faut refaire les ablutions du début. Le deuxième enseignement que l'on tire de ce hadith est qu'il faut enlever tout ce qui empêche l'eau de passer sur la peau. Si cela n'est pas fait, les ablutions ne seront pas valides. Et ce sujet, Ikhwani fillah, est important, surtout pour les femmes. Car en règle générale, elles se maquillent. Et les savants nous mentionnent que le maquillage se divise en deux catégories. La première catégorie est le maquillage qui a une épaisseur, telle que le fond de teint, l'anticerne, le mascara, ce qu'on appelle le liner, le rouge à lèvres et autres. Il est obligatoire d'enlever ce genre de maquillage avant les ablutions. Et celle qui viendra accomplir les ablutions en ayant ce maquillage sur son visage, ces ablutions ne seront pas valides. La deuxième catégorie de maquillage est celui qui n'a pas d'épaisseur, comme le maquillage qui est poudreux, tel que le fard à paupières, le blush, la poudre et aussi le henné et autre chose. Il n'est pas obligatoire d'enlever ce genre de maquillage car il part avec l'eau et l'eau atteint la peau. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène qui est en recrudescence de nos jours. Beaucoup de musulmanes, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, imitent les mécréantes, que ce soit par exemple dans l'habillement ou autre. Et parfois, elles imitent les mécréantes jusqu'à faire des choses qui corrompent voire annulent leurs adorations. Parmi ces choses, nous retrouvons les faux ongles. Nous remarquons que de plus en plus de femmes mettent ce genre de choses. Et les faux ongles empêchent l'eau de passer sur les ongles. Et comme vous le savez, les ongles sont concernés par les ablutions. Donc quiconque fait les ablutions avec de faux ongles, ces ablutions ne seront pas acceptées. Et je rappelle qu'il est interdit à la femme de mettre des faux ongles. Wallahu Mustaan. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'en est-il du vernis à ongles? La réponse à cette question est que le vernis à ongles empêche l'eau de passer. Il est donc obligatoire de l'enlever pour faire les ablutions. Et concernant la fatwa de certains ignorants qui prétendent que le vernis est comparable aux chaussettes, et que si la femme met du vernis en état d'ablution, elle peut faire l'essuyage sur ses ongles 24 heures, ceci est caduque. L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen nous dit à propos de cette fatwa, je cite, cette fatwa est une erreur. Personne ne donne cette fatwa à part un ignorant. Fin de citation. Cependant, il est important de souligner qu'il y aurait à notre époque un vernis spécial qui aurait été fait pour que l'eau passe sur les ongles. Malgré cela, nous conseillons aux sœurs de bien se renseigner et de vraiment voir si effectivement l'eau atteint les ongles, car si tel n'est pas le cas, cela aura une influence sur leurs ablutions. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith est qu'il faut faire preuve de continuité dans le lavage des membres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un temps trop long entre les lavages des membres, mais plutôt il faut laver les membres avec constance, membre après membre. Et les savants ont certes divergé sur le jugement de la continuité lors des ablutions. Certains savants sont d'avis que c'est une sunna et que ce n'est pas obligatoire. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Shafi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Tandis que d'autres savants sont d'avis que c'est une obligation. Et c'est certes l'avis le plus juste. C'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmad. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ainsi que Cheikh Al-Uthaymeen. Et ces savants se sont notamment basés sur ce hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme d'accomplir de nouveau l'ensemble de ses ablutions et non pas de laver uniquement son pied. Et ces savants ont tiré de cela que si la continuité n'était pas obligatoire, il lui aurait ordonné uniquement de laver ce qu'il avait délaissé. Le quatrième enseignement est l'obligation d'ordonner le bien, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme de retourner accomplir soigneusement les ablutions. Le cinquième enseignement est qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance dans le délaissement des ordres. C'est-à-dire que la personne est obligée d'accomplir l'ordre. Car dans ce hadith, selon les savants, l'homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de retourner accomplir soigneusement les ablutions, selon certains savants, cette personne pensait que l'eau avait atteint tout son pied, ou bien qu'il ignorait qu'il était obligatoire que l'eau atteigne tout le pied, ou encore qu'il avait oublié. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de retourner faire ses ablutions sans lui demander de détails. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur, il nous mentionne un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour ses ablutions un moud d'eau et pour ses ablutions majeures d'un sa' 5 moud. Donc le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc ce hadith nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de modération dans les ablutions. La sunna est donc de ne pas utiliser beaucoup d'eau lors des ablutions, même si tu as beaucoup d'eau à ta disposition. Quand bien même tu ferais tes ablutions avec l'eau d'une rivière, fais preuve de modération dans l'utilisation de l'eau. Par la suite, l'auteur finit ce chapitre par le hadith de Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous n'accomplit ses ablutions avec application et ne dit ensuite: je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, sans qu'on ne lui ouvre les 8 portes du paradis, afin qu'il y entre par celle de son choix. Et At-Tirmidhi ajouta: Ô Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent et se purifient constamment. Donc l'auteur ici, il finit le chapitre des ablutions par le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et ce hadith contient plusieurs enseignements. Le premier enseignement est un fort encouragement à parfaire ses ablutions, car il en résulte un grand mérite lorsqu'on fait suivre ses ablutions par cette parole qui est: Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent et se purifient constamment. Le deuxième enseignement est la recommandation de cette formule de rappel. Et ceci est l'avis de l'ensemble des savants. Car si cela aurait été obligatoire, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rapporté les ahadiths concernant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auraient certes mentionné. Quant aux formules de rappel que certains gens du commun mentionnent après le lavage de chaque membre, ceci est une innovation et n'a aucune base dans notre religion. Nous trouvons par exemple que dans certains pays, certaines personnes, après avoir lavé leur visage, disent: Ô Allah, blanchis mon visage. Et après le lavage des mains: Ô Allah, donne-moi mon livre par ma droite. Et après le lavage des pieds, ils disent: Ô Allah, raffermis mes pieds sur le pont. Et tout ceci n'est pas légiféré et fait partie des innovations, comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim et d'autres. Le troisième enseignement est qu'il y a 8 portes pour entrer au paradis, tandis qu'il y a 7 portes pour l'enfer. Et certains savants ont donné une explication à cela. Selon eux, il y a plus de portes au paradis, car c'est une demeure de grâce et de bienfaisance, tandis que l'enfer est une demeure de justice et de rétribution. Et comme la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus vaste et supérieure à sa justice, il y a plus de portes du paradis, surtout que sa miséricorde précède sa colère, comme ceci est venu dans le hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ma miséricorde précède ma colère. Le quatrième enseignement est l'énorme place du repentir. Il convient donc aux croyants de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont mentionné 5 conditions du repentir. La première condition est la sincérité. La deuxième est regretter le péché commis. La troisième condition, délaisser le péché. Tandis que la quatrième condition, être déterminé à ne pas y revenir. Et la cinquième et dernière condition est de se repentir à un moment où le repentir peut être accepté. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.